pran moun livre, fè mesajil pou bay l'évangil la. Nan nan kris la, bon Dieu founi moun sa. Tout bel parol, li pa jan, di ki bo moun sa dwe soti. Moun sa kayon pasteur, li kayon prèt, li kayon servite, li kayon. Pa gen tit, menm jan ave ou moun sa. Son peche liye, men bon Dieu voye l retire ou nan fè noa. Si se gade, wap gade, sou pasteur. Ou ka pa jam sove. Si se gade, wap gade, sou pe yo. Se gade, wap gade, sou diak yo. Ou ka pa libere. Mon Dje pa se pa yo. Ou pa y pa wala. Sou pa pa yo pa koupa. Béni soa l'Éternel. Bon Dieu choisim pou m fè mizik, menm jan ak tout atis. Kap jwe pou li, non pa mande ou pou kwe. Nan aksyon nou, men kwe, nan ministe sa. Li konfye, non la pou bay pawol. Pou konverti, non la pou bay mesaj. Pou medite, non la témoigner sa bon Dieu fait pas jamais quoi nan nou men quoi nan message là. Si se gade wap gade sou groupe yo, ou ka pa jam sove. Si se gade wap gade sou koal yo, gade, wap gade, sou parol selest. Ou ka pa libere. Mon Dje pa se pa nou. Ou pa y pa wala. Sou pa pon nou pa koupa. Bon Dieu, ça que t'as dit c'est Pierre, ton péché poisson, bon Dieu t'a choisi, bâti l'église là sous lui. Alors son message que bon Dieu voye bon, pour dire ou pas, jamais garder un livre sous couverture. Message bon Dieu a qu'à sortir n'importe côté, dans n'importe religion, n'importe race. N'importe monde, il pas besoin de dire. Alors ou même tout, pas juger monde dans sous apparence. Pour qualifier qui message de carbone. Il y a une loi c'est jour de délivrance pour là. Parole céleste. Faut pas garder sous mon, pas bon Dieu. Faut pas garder sous mon, servite. Faut pas garder sous mon, bien aimé. Faut pas garder sous mon. Moun sa yo ka fò fon pile péché, parce que en pile nan yo a mal fonctionné. C'est travail pa yo a fait. Yo même choisi l'évangile qui n'a intérêt. Mais pas oublié, mon Dieu servi avec vous quand même. Pas tout les gens à vivre. Vous dites pas vous. Mon Dieu qui a servi avec vous. Vous même qui a changé. tête, faut pas garder sous moi. Pas bon Dieu, faut pas garder sous moi. Sa vite, faut pas garder sous moi. Bien aimé, faut pas garder sous moi.